Mon fils, dit la nourrisson en se levant et allant se poser en face du Brésilien abattu, je suis de ta religion. Quand on aime d'une certaine façon, qu'on s'est agrafé à mort, la vie répond de l'amour. Celui qui s'en va arrache tout, quoi. C'est une démolition générale. Tu as mon estime, mon admiration, mon consentement surtout pour ton procédé qui va me rendre négrophile. Mais tu aimes, tu reculeras. Moi, si c'est une infâme, je... Voyons, tu causes trop à la fin des fins, reprit la nourrisson, redevenant elle-même. Un homme qui veut se venger et qui se dit sauvage à procéder se conduit autrement. Pour qu'on te fasse voir ton objet dans son paradis, il faut prendre 6 dalises et avoir l'air d'entrer là par suite d'une erreur de bonne avec ta particulière, mais pas d'esclandre. Si tu veux te venger, il faut caponner, avoir l'air d'être au désespoir et te faire rouler par ta maîtresse. Ça y est-il ? Dit madame Nourrisson, en voyant le Brésilien surpris d'une machination si subtile. « Allons, l'autruche ! » répondit-il. « Allons, je comprends. » « Adieu, mon bichon !» dit madame Nourrisson à Carabine. Elle fit signe à Cydalise de descendre avec Montès et resta seule avec Carabine. « Maintenant, ma mignonne, je n'ai peur que d'une chose, c'est qu'il l'étrangle. Je serai dans de mauvais draps. Il ne nous faut que des affaires en douceur. Oh, je crois que tu as gagné ton tableau de Raphaël, mais on dit que c'est un mignard. Sois tranquille, c'est beaucoup plus beau. L'on m'a dit que les Raphaëls étaient tout noirs. Tandis que celui-là, c'est gentil comme un girodé. Je ne tiens qu'à l'emporter sur Josépha, s'écria Carabine, et ça m'est égal que ça soit avec un mignard ou avec un Raphaël. Non, cette voleuse avait des perles ce soir, on se damnerait pour.